chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est la loi du plus fort, chacun pour soi, Dieu pour tous. Yeah. Thank you. tena kumatofo jama mana dominga sila ukaya fama amuzolu ainame nebena kumatofo mana dominga sila ukaha keto. Musolu yo demulo musolu ayename musolu ninyoba musolu mbauladi musolu yo demulo musolu ayename musolu yo ninyoba musolu mbauladi musolu demulo musolu yo aumana demulo aukanafini musolu demulo musolu yo aumana kona sora aukanafini ubafili fini ngoyola ubafili Ubafili ulu tinge ukano Ubafili nyama mboyoronda Ubafili fosi tinge ukano Ubafili fini mboyoronda Musolu buruki na musolu mbauladi Musolu yo mali musolu aeline Musolu senegali musolu aemiri Musolu yo lagine musolu aename Musolu muritani musolu aemiri Musolu yo Nigeri musolu aeline Musolu Algeri musolu aename Musolu yo Gabon musolu aeline Musolu Nenyoba musolu aemiri Musolu Demulo musolu yo Aumana demulo Kanafine Musolu Konotine musolu yo Aumana konosoro Kanafine Ubafili Binango yoronda Ubafili Sinimo yoronda Ubafili Fosi tinge ukono Ubafili Nyama mboyoronda Musolu buruki na musolu mbauladi Musolu yo mali musolu aename Musolu lagine musolu aeline Musolu senegali musolu aemiri Musolu muritani musolu mbauladi Musolu yo nigeri musolu aeline Musolu yo gabo musolu aemiri Musolu kodivari musolu aemiri Musolu afiriki musolu aename Alongi kasira jira una biwari soro si sira ite sira girauna de Pantanya chugu koni di girauna bi wasala Ite sira girauna de Tabali chugu koni di girauna bi wasala Ite sira girauna de Nyanyi ni chugu koni di girauna bi wasala Ite sira girauna de Koni ali chugu koni di girauna bi wasala Ite sira girauna de Padenya chugu koni di girauna bi wasala Ite sira girauna de Alam ki kasira girauna bi ere soro sira ite sira girauna de Alam ki kasira girauna bi kono bola sira ite sira girauna de Alam ki kasira girauna bi wari soro sira ite sira girauna de Padenya chugu koni di girauna bi wasala ite sira girauna de Koro foni chugu koni di girauna bi wamala ite sira girauna de Unadali chugu koni di girauna bi wasala ite sira girauna de Shomeli chugu koni di girauna bi wasala ite sira girauna de Toro chugu koni di girauna bi wamala ite sira girauna de Nyani chugu koni di girauna bi wasala ite sira girauna de Alam ki kasira girauna bi ere soro sira ite sira girauna de Alam ki kasira girauna bi kono bola sira ite sira girauna de Alam ki kasira girauna bi wari soro sira ite sira girauna de Piratage, Seigneur, nous voudrons votre secours. Nous avons assez partager. Mon Seigneur, nous voudrons votre enseignement. Ô bon Dieu, montre-nous le chemin du bonheur. Ô bon Dieu, montre-nous le chemin de la paix. Ô bon Dieu, montre-nous le chemin de la vie. Ô bon Dieu, montre-nous le chemin du bonheur. Ô bon Dieu, montre-nous le chemin de la paix. Ô bon Dieu, montre-nous le chemin de l'avenir. Jigi kani ko wala ji jigi nyuma ne ko flani jigi nyuma e aburu bamba e jigi nyuma e yangi boyi e jigi nyuma e ne ko lare e jigi nyuma e jigi e femine amajo jigi kadi ni jigi ke mo won mani ima pote sabada I'm not afraid.